jetons le masque. Eh bien, je tiens pour préjugé, oui, je tiens pour erreur stupide, les maximes qui veulent interdire aux grands aigles les cimes, l'amour au sein d'albâtre et la joie aux enfants. Je nous trouve ennuyeux, assommants, étouffants. Je ris quand nous enflons notre colère d'homme pour empêcher l'enfant de cueillir une pomme et quand nous permettons un faux serment au roi. Défends moins tes pommiers et défends mieux tes droits, paysans. Quand l'opprobre est une mère qui monte, quand je vois le bourgeois voter oui pour sa honte, quand Scapin est évêque et Basile banquier, quand, ainsi qu'on remue un pion sur l'échiquier, un aventurier pose un forfait sur la France et le joue, impassible et sombre, avec la chance d'être forçat s'il perd, et s'il gagne, empereur. Quand on le laisse faire et qu'on voit sans fureur régner la trahison abrutie en orgie, alors, dans les berceaux, moi je me réfugie. Je m'enfuis dans la douce aurore et j'aime mieux cet essaim d'innocents, petits démons joyeux, faisant tout ce qui peut leur passer par la tête, que la foule acceptant le crime en pleine fête et tout ce bas empire infâme dans Paris et les enfants gâtés que les pères pourris.